L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est midi et vous êtes bien sur France Culture. En ce dernier dimanche du mois d'août, nous nous retrouvons pour la dernière émission déjà de cette série. Tout l'été, Michel Pastoureau, en sa qualité de spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, a retracé pour nous l'histoire au long cours de plusieurs animaux célèbres. Nous avons ainsi successivement tiré le portrait du coq, de l'ours, du corbeau, de la baleine, du cochon, du loup et la semaine dernière du renard. Il aurait été plus que malvenu de ne pas consacrer au moins l'une de nos émissions au portrait d'un animal imaginaire. Celui qui va nous occuper aujourd'hui a une place tout à fait à part au sein des créatures merveilleuses. D'abord parce que les hommes y ont cru très longtemps, bien plus longtemps qu'ils n'ont cru par exemple aux dragons ou aux sirènes. Ensuite parce que les récits, les images, les mythes qu'ils mettent en scène sont particulièrement riches, complexes, polysémiques. Aujourd'hui, portrait d'un animal dont nous n'avons pas fini de percer le mystère, la licorne. Oh, voici l'animal qui n'existe pas. Il ne le savait pas et pourtant l'ont aimé. Dans sa démarche, son maintien, son encolure, jusque dans la lumière de son calme regard. Certes, il n'existait pas, mais parce qu'il l'aimait, un animal pur naquit. Il laissait toujours de l'espace et dans cet espace clair et épargné, il leva légèrement la tête et eut à peine besoin d'être. Ils ne le nourrirent d'aucun grain, mais uniquement de la possibilité d'être. Et c'est elle qui donna une telle force à l'animal qu'il fit jaillir de son front une corne, une seule corne. D'une vierge il s'approcha tout blanc et fut dans le miroir d'argent et fut en elle. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. On vient d'entendre une traduction du poème de Rainer Maria Rilke, paru en 1923 dans le recueil Les Sonnets d'Orphée, lu ici par l'écrivain Robert Sabatier pour une émission de France Culture en 1967. Voici l'animal qui n'existe pas, il ne le savait pas et pourtant l'ont aimé, nous dit Rilke, très longtemps. En effet, les hommes ont cru, dur comme fer, à la licorne. Oui, ça pose d'ailleurs le problème des rapports entre le réel et l'imaginaire, qui ne sont pas un couple de contraires, mais nous l'avons déjà dit à propos d'autres animaux, pour l'historien, pour le sociologue, pour les sciences humaines en général, l'imaginaire est une réalité, l'imaginaire fait partie de la réalité. Donc la licorne, c'est au fond un animal réel, même s'il est imaginaire par rapport à nos connaissances zoologiques d'aujourd'hui, il a existé, vraiment existé pour les sociétés qui nous ont précédées, au moins jusqu'au XVIe, voire jusqu'au XVIIe siècle. Et quand a-t-il été inventé alors? Quelles sont les premières mentions qu'on trouve de l'animal? Elles sont très anciennes. La plus ancienne mention semble être celle qu'on trouve dans un texte dû à un médecin grec, Ctésias, qui a fait un voyage vers la Perse et prétendument vers l'Inde. Et il a laissé un texte qu'il intitule « Les merveilles de l'Inde ». Et là, il décrit des espèces animales étonnantes et notamment un animal qui a une corne sur le front, un quadrupède de petite taille, blanc de pelage, et qui possède cette corne merveilleuse. Mais il est tellement rapide et farouche que les chasseurs ont du mal à l'attraper et à s'emparer de cette corne qui réalise toutes sortes de prodiges et de merveilles. Alors pour ce médecin grec, Ctésias, la licorne, ce serait un animal d'Orient donc, hein. C'est dans une histoire de l'Inde, vous nous dites, qu'elle oui, est apparue. Pour les Grecs et les Romains, plus tard pour les hommes et les auteurs du Moyen-Âge, l'Inde et l'Orient, d'une manière générale, sont les réservoirs de toutes les merveilles, de tous les prodiges. Et c'est un Orient qui est très large. Ça concerne aussi bien l'Asie que l'Afrique. L'Afrique est en Orient pour la culture occidentale jusqu'au XVe siècle, ou presque. Et alors le texte de Ctésias va être pris par différents auteurs grecs, puis romains. Et cet animal, que personne n'a jamais vu, mais qui se transmet de manière textuelle, trouve sa place dans l'histoire naturelle de Pline. Les historiens positivistes de l'époque contemporaine se sont demandé qu'est-ce que ça pouvait être, qu'avait vu ou cru voir Ctésias ou l'un de ses prédécesseurs. Est-ce que c'est une antilope vue de profil qui n'aurait qu'une corne au lieu de deux? Est-ce que c'est un rhinocéros? Est-ce que c'est un âne sauvage très rapide à la course? Est-ce que c'est autre chose? De fait, Pline, dans son histoire naturelle au 1er siècle de notre ère, distingue tous ces animaux. Notamment, il ne confond pas le rhinocéros qu'il connaît et que les Romains faisaient combattre dans les Jeux du Cirque et le monokéros, qui est notre licorne, unicornis. Monokéros, c'est le terme grec employé par Ctésias déjà. Voilà, c'est le terme de Ctésias que Pline reprend. Mais l'équivalent latin de ses successeurs, notamment des auteurs du Moyen-Âge, ce sera unicornis, qui n'a qu'une corne, comme monokéros. Et pour lui, ça n'est pas le rhinocéros, c'est autre chose. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'au fur et à mesure que les textes se recopient, la corne grandit. Ctésias parle d'une corne d'une coudée, c'est-à-dire 40 cm à peu près. Chez des auteurs de la fin du Moyen-Âge, on arrive à 5 ou 6 coudées, c'est-à-dire beaucoup plus grand. Et à part la taille de la corne, la licorne de Ctésias, puis après de Pline, à quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'elle correspond aux images plus contemporaines qu'on a de l'animal? Oui, elle est moins chevaline que nos images les plus contemporaines, mais elle est composite. C'est un animal hybride qui est quadrupède, qui emprunte toutes ses parties à un quadrupède. Elle a une tête qui est celle soit d'une jument, soit d'un bouc ou d'une chèvre, soit d'une biche ou d'un cerf. Elle a un corps un peu indéterminé. Elle a souvent des pattes de taureau, une queue de lion, une barbiche sous le menton et surtout au milieu du front, cette longue corne. Elle a un pelage blanc. Pour certains, elle a une tête plus colorée, soit rouge, soit pourpre, soit noir, et surtout, elle est indomptable, on ne parvient pas à l'attraper tellement elle est rapide à la course, il va falloir utiliser une ruse pour s'en emparer, si d'ailleurs on la capture vivante et qu'on la met en prison ou dans une ménagerie, elle se laisse mourir tellement elle est malheureuse. Bref, les auteurs se recopient tous, et Pline étant une autorité, étant bavard sur la licorne, les auteurs du Moyen-Âge vont le recopier, mais en y ajoutant une dimension chrétienne. La licorne, elle apparaît aussi dans la Bible. C'est quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais qui est très important pour l'histoire de l'animal. Oui, il semble que les livres bibliques, à 7 reprises, parlent de la licorne sous le nom que Saint Jérôme a traduit tantôt par monokéros, tantôt par unicornis, pour distinguer la bonne de la mauvaise licorne. En hébreu, c'est un mot rem, translittéré R-E-E-M, quelque chose comme cela, qui intrigue un peu, on ne sait pas très bien de quel animal il s'agit. Pour les traducteurs de la Bible vers le grec puis vers le latin, il s'agit de la licorne. Alors tantôt, elle est redoutable pour le livre des psaumes, par exemple, « Sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi de la corne de la licorne », donc elle est très dangereuse. Tantôt, elle semble douce et pacifique, donc au fond, il y a deux sortes de licornes. Et c'est une ambivalence qu'on va retrouver dans les textes médiévaux qui associent la licorne biblique, la licorne de Pline et de ses prédécesseurs, et puis une symbolique proprement chrétienne. Alors pour comprendre justement la symbolique proprement chrétienne de la licorne, il faut s'arrêter un moment sur un ouvrage très important qui est le Physiologos. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est cet ouvrage ? Oui, c'est un texte qui est très allégorique, écrit en grec à Alexandrie, probablement vers la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle de notre ère, et qui est au fond l'ancêtre de tous les bestiaires médiévaux. C'est lui qui le premier fait la synthèse entre le discours des auteurs païens, grecs et romains, les éléments bibliques qu'on peut tirer de la Bible sur les animaux, et puis des idées nouvelles, gnostiques ou allégoriques. Alors il y a une première version en grec, rapidement traduite en latin, puis on ajoute à la liste primitive des animaux, car c'est un texte qui ne parle que des animaux, au départ, puis ensuite d'un certain nombre de minéraux. On ajoute des éléments à cette liste, 38, 40 au départ, 45, 60, etc. Le texte va s'amplifiant et finit par donner des versions classiques de bestiaires en langue latine au XIIe et XIIIe siècle, où on peut atteindre jusqu'à 200 ou 220 espèces animales mentionnées, mais on est loin de l'esprit primitif. Mais en revanche, les bestiaires, des livres de bêtes, comme le nom l'indique étymologiquement, associe donc le discours de l'histoire naturelle ancienne avec l'interprétation symbolique du christianisme. Et quelle description fait de la licorne ce physiologos ? Le physiologos n'est pas extrêmement bavard sur l'aspect physique. Il reprend les éléments que l'on trouve déjà chez Pline sur l'animal composite, mais il ajoute une dimension nouvelle, à savoir qu'il explique comment on peut chasser cet animal. Et pour ce faire, il faut utiliser une ruse. L'animal est attiré par l'odeur de virginité. Donc il dit qu'il faut placer au cœur de la forêt une jeune fille pure. L'animal sort des fourrés, attiré par cette odeur, pose sa tête sur les genoux de la jeune fille ou sur son sein, et les méchants chasseurs sortent des bois pour s'emparer ou tuer l'animal. Idée qui sera reprise par tout le Moyen-Âge, texte et images. Il ajoute une deuxième idée qu'on va retrouver également dans les images, à savoir que la corne de la licorne purifie les eaux empoisonnées simplement par contact. Donc tous les autres animaux l'aiment beaucoup parce qu'elle purifie l'eau des sources et des fontaines. Et comment comprendre alors cette drôle d'idée qu'on capture une licorne par une vierge ? Quelle est la signification, le symbole de cette histoire ? C'est assez difficile à interpréter. On peut y voir une dimension sexuelle. Pour nous, à cause de la grammaire, nous disons une licorne, mais unicornis en latin est plutôt masculin. En italien, alicorno est masculin. La licorne, c'est plutôt un principe masculin et sa corne a quelque chose de phallique. Et quand elle est attirée par la jeune fille vierge et qu'elle pose sa tête sur son giron, oui, il y a une dimension non pas érotique, mais en tout cas sexuelle, qui est présente. On peut aussi, et certains textes le soulignent, y voir l'image du Christ et de la Vierge. Un poème anglo-normand du début du XIIe siècle explique très bien, à la fin du chapitre de la licorne, la licorne signifie le fils Sainte-Marie, c'est-à-dire c'est Jésus. Oui, la licorne, c'est carrément Jésus-Christ hein, dans ces représentations-là. Pas toujours, mais assez souvent, oui. Et la jeune femme, du coup, c'est la Vierge, son giron, c'est la Sainte Église, hein, c'est cela ? C'est ça, la jeune femme finit par être assimilée à la Vierge. D'ailleurs, iconographiquement, on lui donne un peu un aspect de Vierge à l'enfant. Et tantôt, c'est Marie, mère de Jésus elle-même, tantôt, c'est l'Église. Bref, toutes les dérives interprétatives sont possibles, et Dieu sait si les auteurs du Moyen-Âge sont habiles pour ce faire. Alors justement, il faut qu'on s'arrête un peu sur l'iconographie, parce que la licorne au Moyen-Âge, elle sujet d'une très très riche iconographie. Comment est-elle représentée ? Oui, nous avons de nombreuses images, d'abord des miniatures à foison, où le thème de la chasse est le plus fréquent, plus que celui de l'eau purifiée avec la corne que l'animal trempe dedans. Donc, on a toujours la jeune fille au cœur des bois, dans une clairière, en général assise, le sein dénudé, la licorne qui s'approche et qui pose sa tête sur ce sein, et les chasseurs qui surgissent des fourrés, et en général, ils ne s'emparent pas de l'animal, ils la tuent. Et le but, naturellement, c'est de s'emparer de cette corne merveilleuse. La ruse est le seul moyen, puisqu'autrement, la licorne court trop vite pour pouvoir se laisser attraper. Une autre série d'images, ça peut être la licorne toute seule, en vedette dans l'image, sans jeune fille, sans chasseur. Ça existe au XIIe et XIIIe siècle, c'est plus rare par la suite. Et dans l'histoire de la chasse, si on présente à la licorne une jeune femme qui n'est pas une vierge, alors la licorne se venge et la tue. Voilà, la licorne ne supporte pas que l'on mente, que l'on triche, et la jeune fille qui n'est pas vraiment vierge est mis à mort par l'animal, soit à coups de sabot, soit avec sa corne qui va la transpercer. On retrouve là l'ambivalence, hein, c'est à la fois un animal pur, un animal féroce aussi. Oui, et le cousinage entre l'attirance sexuelle et la violence et la mise à mort. Alors sur le terrain de l'iconographie, Michel Pastoureau, il faut quand même qu'on s'arrête un instant sur l'œuvre d'art qui est peut-être la plus célèbre parmi toutes celles qui mettent en scène la licorne. Je veux parler bien sûr de la série de tentures qui forment les tapisseries dites de la Dame à la licorne et qui sont aujourd'hui exposées au musée de Cluny. De quand datent ces tapisseries et que nous décrivent-elles ? Elles datent des années 1500, les spécialistes pensent un peu avant, un peu après. Donc on est autour de 1500. On débat d'ailleurs pour savoir si elles ont été tissées à Paris, au bord de la Loire, ou plutôt, et c'est l'hypothèse la plus solide, dans les Pays-Bas, du Nord, du Sud. Il y a un ensemble de 6 tapisseries et on a pas mal déliré pour les interpréter. Qu'est-ce que représente cette iconographie étrange où l'on voit une jeune femme entourée d'un lion et d'une licorne qui fait des gestes un peu bizarres, différents sur chacune des 6 tentures même, avec une présence d'armoiries à chaque fois, toujours les mêmes, et des armoiries curieuses parce qu'elles ne respectent pas la règle d'emploi des couleurs héraldiques. Elles pose du rouge sur du bleu ou du rouge à côté du bleu, ce que la règle d'emploi des couleurs dans le blason interdit fermement. Pourquoi y a-t-il cette infraction ? Bref, on s'est interrogé longtemps, on y a vu une iconographie orientale, on y a vu un prince turc, on a imaginé toutes sortes de choses, on y a vu la reine Guenièvre, avant que l'on s'accorde, pas tout le monde, mais presque tout le monde, sur cette représentation des 5 sens, plus la 6e tapisserie un peu énigmatique. On s'est écorché aussi sur l'attribution, quel est le commanditaire, avant de mettre en valeur une famille de robes d'origine lyonnaise venue à Paris, les levistes. L'un d'entre eux est président de la Cour des Aides. Ce sont des personnages importants, mais encore roturiers qui cherchent à forcer la porte d'entrer dans la noblesse. C'est pour ça que ça m'étonne un peu qu'ils ne respectent pas les règles du blason, alors que c'est très important si on veut entrer dans la noblesse. Donc, y a encore des débats sur non plus la date, mais sur le lieu de fabrication, sur non pas la famille, mais la personne du commanditaire. On hésite entre un oncle et un neveu. Et puis sur le véritable thème représenté par l'iconographie. En tout cas, la licorne, dans les 6 tentures qui composent ces tapisseries, est un personnage de côté. Elle n'est pas le centre des tapisseries, mais elle est toujours aux côtés de cette dame donc, qui est représentée au centre. Et elle semble être un compagnon plutôt amical. Oui, elle n'est pas farouche, elle est amicale. Il faut souligner qu'elle n'est pas seule parce qu'elle fait couple avec un lion et il faudrait dire les tentures de la dame au lion et à la licorne. D'ailleurs, le XIVe siècle a laissé un roman en français mais anonyme, l'histoire du chevalier au lion et de la dame à la licorne. Malheureusement, ce qu'on trouve dans ce texte littéraire extrêmement long et un peu ennuyeux ne permet pas d'expliquer l'iconographie des 6 tentures du musée de Cluny. Alors, à partir de quand a-t-on cessé de croire à la licorne ? À quelle époque cela se produit ? Dès les années 1540-50, certains auteurs commencent à douter soit des naturalistes, par exemple le grand savant suisse Conrad Gessner, qui, dans son grand ouvrage sur les animaux, reproduit 6 ou 7 espèces de licorne, mais précise, je les reproduis d'après d'autres images, mais au fond, personne n'en a jamais vu. Et puis surtout Rabelais, qui dans Pantagruel se moque un peu de ceux qui croient aux licornes. Il met en scène Pantagruel qui voyage au Nouveau Monde et qui écrit à son père Gargantua qu'il a acheté là-bas, aux confins de ce qui serait pour nous les États-Unis et le Canada, 2 beaux licorneaux, un mâle et un femelle. Et il les décrit et il précise, mais ils ne ressemblent pas du tout à ce que l'on voit sur les images chez nous en Occident. Oui, donc c'est la source du doute. C'est le début des doutes, ça va continuer, notamment chez les auteurs qui parlent de zoologie. Un grand savant, grand médecin, père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré, dans les années 1580, écrit une sorte de traité de la licorne. Il énonce toutes sortes d'arguments pour montrer que c'est un animal imaginaire. Il semble ne pas y croire, et pourtant il conclut « Mais la Bible en parle, il faut donc bien y croire ». Et alors on a l'impression que sa qualité de chrétien et de lecteur de la Bible l'emporte sur son savoir et ses curiosités d'homme de science. Ou alors il n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'il croit, en rationaliste peut-être. Oui, c'est une époque où on peut encore être poursuivi parce que l'on met en doute un certain nombre d'affirmations auxquelles l'Église est attachée. C'est encore une époque où la Bible n'est pas seulement un livre religieux, c'est aussi une encyclopédie, une histoire naturelle, et on croit à tout ce qui est raconté dans la Bible. Au Moyen-Âge, Michel Pastoureau, la corne de licorne est aussi une relique. C'est une relique très précieuse que les rois offrent à d'autres rois, donc un cabinet royal de curiosité, un cabinet princier, un trésor d'église se doit, dès le XIIIe siècle, de posséder une ou plusieurs cornes de licorne. Le trésor de l'église abbatiale de Saint-Denis, au nord de Paris, était fier d'en posséder jusqu'à 4, je crois, à la fin du Moyen-Âge. Par la suite, le commerce des cornes de licorne s'intensifie. Ce ne sont plus seulement des rois et des princes qui les offrent, mais il y a des marchands de cornes entières ou plus fréquemment de morceaux de cornes de licorne. Et dans tous les cabinets de curiosité des XVIe et XVIIe siècles, il faut posséder ce fragment de cornes de licorne ou éventuellement une corne entière. Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que ce commerce se ralentisse. C'est l'époque où on croit moins à l'existence de la licorne. Un savant jésuite, l'un des plus grands savants de tous les temps, Athanase Kircher, au milieu du XVIIe siècle, a affirmé dans l'un de ses livres que ces prétendues cornes de licorne étaient en fait des dents de gros animaux marins que l'on trouve dans les mers froides de l'Atlantique Nord. Il ne prononce pas encore le terme de narval. Narval, donc, oui, c'est le nom. En fait, ces cornes étaient en effet, on le sait aujourd'hui, des dents donc de cet animal marin. Voilà, c'est un cousin du marsouin, du dauphin, etc. Et le mâle seul développe une de ses canines sous forme d'une longue corne qui peut atteindre en effet 2 mètres de long, qui est plus ou moins torsadée. Un auteur du Moyen-Âge avait déjà remarqué vers 1450 que « Mais pourquoi sont-ce toujours les rois de Danemark et les rois de Norvège qui offrent des cornes de licorne aux rois situés plus au sud ?» Il était sur la bonne piste. Il était sur la bonne piste. Et donc, à partir de ces années 1650, 1680, on commence à douter beaucoup. Malheureusement, il y a un événement qui retarde le doute, si je puis dire. Dans le massif du Harz, vers 1670, on trouve ce que l'on croit être des restes de licornes enfouis dans le sol. Ce sont en fait des restes de mammouths avec les défenses en ivoire et le squelette que l'archevêque de Magdebourg, juste à côté, et le maire de Magdebourg, de connivence, avaient réarrangé et fait croire, sous forme d'une propagande européenne, qu'on venait de trouver des squelettes de licorne. On est venu de l'Europe entière pour les voir, au cœur de l'Allemagne. Le grand Leibniz lui-même a été abusé et a cru que c'était des licornes. Puis ensuite, on s'est aperçu que c'était une supercherie. Ils avaient sciemment comploté, alors. Ils avaient comploté, et ça a beaucoup fait pour accélérer le doute. Et à la fin du XVIIe siècle, c'est fini, on n'y croit plus. Et dans les manuels et les traités de zoologie, la licorne, qui jusque-là avait droit à un chapitre, n'en a plus. Elle disparaît des livres d'histoire naturelle. Elle disparaît des livres d'histoire naturelle, Michel Pastoureau, mais par contre, elle ne disparaît pas des autres livres, notamment de la littérature. À l'époque moderne et contemporaine, la licorne devient un animal de fiction et reste jusqu'à aujourd'hui source de bien d'histoires, bien de poèmes, le sujet de beaucoup de romans. Oui, c'est ce qui est frappant pour l'historien, c'est que à partir du moment où on cesse d'y croire, l'animal n'est plus réel pour l'histoire naturelle, elle prend une place de plus en plus importante dans la création artistique et littéraire. L'époque romantique la met souvent en scène, par le texte et par l'image. L'époque symboliste également, Flaubert lui consacre des pages magnifiques dans son roman, ou son texte, disons, littéraire, La Tentation de Saint-Antoine. Oui, La Tentation de Saint-Antoine, c'est un texte assez important et assez amusant. Je voudrais vous lire un petit extrait du portrait que Flaubert fait de la licorne, parce que il est finalement, le portrait qu'il fait est finalement assez proche de ceux des auteurs antiques ou des bestiaires médiévaux. Je vous lis. « J'ai des sabots d'ivoire, des dents d'acier, la tête couleur de pourpre, le corps de neige et les cornes de mon front portent les bariolures de l'arc-en-ciel. Je voyage de la Chaldée au désert tartare, sur les bords du Gange et dans la Mésopotamie. Je dépasse les autruches, je cours si vite que je traîne le vent. D'un bond, je saute les fleuves, les colombes sautent au-dessus de moi. Une vierge seule peut me brider. » On retrouve là la symbolique qu'on a évoquée plus tôt dans l'émission. Tout à fait. Flaubert est un homme cultivé qui possède une magnifique bibliothèque dans sa propriété de Croisset. Il a réécrit, il a introduit ce qui est flaubertien, beaucoup d'adjectifs. Mais enfin, c'est un texte magnifique. Et un peu plus tard, un peintre symboliste comme Gustave Moreau consacrera plusieurs peintures de grande taille, qu'on peut voir encore au musée Gustave Moreau à Paris, à ce thème de la licorne ou des licornes. Bref, elle devient une vedette de l'imaginaire et ça va continuer au XXe siècle sous d'autres formes. Aujourd'hui, c'est la bande dessinée, c'est le dessin animé, c'est l'heroic fantasy, c'est Harry Potter qui met en scène des licornes plus ou moins disneyisées, mais qu'on n'a pas le droit de tuer, qui sont des animaux sacrés. Oui, dans le premier épisode de la saga Harry Potter, le livre et le film, le terrible Voldemort se nourrit de sang de licorne. Voilà, et ce sont des animaux plus ou moins sacrés en fait, ce sont les méchants qui tuent les licornes, et dans les images, ce qui est frappant à partir de l'époque romantique jusqu'à aujourd'hui, c'est que elle perd un peu son aspect composite et elle devient au fond une sorte de jument d'un type particulier. D'ailleurs, dans la langue française, un synonyme qu'on lui attribue parfois, c'est cavale, pour souligner sa rapidité et son cousinage avec le cheval. Alors il y a aussi des résistances quand même qui durent assez longtemps, jusqu'en plein 19e siècle. Les apothicaires sont les derniers à faire semblant de croire à les licornes parce qu'ils vendent des produits merveilleux qui guérissent toutes les maladies, soit de la poudre de corne de licorne, soit de l'eau licornée, c'est-à-dire simplement de l'eau ordinaire dans laquelle est censé avoir macéré un morceau de corne de licorne. Ça doit guérir à peu près tout, et ça explique pourquoi un nombre assez important d'apothicaires puis de pharmacies s'intitule La Licorne ou À la Licorne. J'en ai encore connu une, moi, dans la ville de mon enfance, à Alençon, en Normandie, où il y avait, non pas l'enseigne, mais le nom À la Licorne, pour désigner l'endroit. C'est une variation, en fait, sur le thème de la corne de licorne, antidote, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Il fait partie de la pharmacopée. Bon, aujourd'hui, tout ceci a un peu disparu et l'animal est devenu un animal qui nous fait rêver. On peut dire que c'est même, aujourd'hui, la vedette du bestiaire fantastique. Quand Dieu fit l'univers, il y eut sur la terre des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui. Mais la plus jolie dans ce vert paradis, la plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne. Il y avait des gros crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des beaux moutons blancs. Les compagnons de la chanson chantaient aussi la licorne en 1966 dans un récital donné à Bobino. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Sur la licorne, je voudrais renvoyer nos auditeurs au très bel ouvrage illustré dont vous êtes l'auteur avec Elisabeth Delahaye et qui s'intitule en clin d'œil à Tintin, Les secrets de la licorne. Et puis j'invite nos auditeurs, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont de passage à Paris, à aller admirer les tentures de la Dame à la licorne au musée de Cluny. Merci beaucoup Michel Pastoureau de nous avoir accompagnés tout au long de l'été pour cette série d'émissions. Pour retrouver les références bibliographiques et musicales que nous y avons mentionnées, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr, et puis aussi surtout pour la réécouter, télécharger tous les épisodes, ceux que vous avez ratés, ceux que vous avez aimés, rendez-vous aussi sur le site de France Culture. Quand... Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots, Noé y fit monter les animaux deux par deux. C'était Les animaux ont aussi leur histoire, une série d'émissions réalisée par Anne Pérez, préparée avec la collaboration de Romain Couturier et d'Antoine Vuillose, et avec aujourd'hui à la technique, Émilie Couette. Deux affreux reptiles et deux beaux moutons blancs, deux chats, deux rats, deux éléphants, il n'y manque personne, à part les deux mignonnes, les jolies licornes. Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans l'eau, s'amusant comme des folles, sans voir que le bateau, emmené par Noé, les avait oubliées. Et depuis, jamais personne n'a vu de licorne. On voit des gros crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des beaux moutons blancs. Des chats, des rats, des éléphants, mais jamais personne ne verra la mignonne, la jolie licorne.